Jean Bosco, Ndoui Man. Merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres de cette édition. Des manifestations ont été organisées ce samedi sur tout le territoire burundais, la capitale Bujumbura y comprise. Vous entendrez les explications de l'administrateur de Mukaza dès le début de ce journal. Six orpailleurs ont été arrêtés ce vendredi à Kamaramagambo, en commune Butihinda de la province Muyinga. Et c'est après la mort hier même d'une personne suite à un écroulement de terrain. Nous appellerons notre correspondant. Et le secrétaire permanent ministère en charge de l'intégration du Burundi, Aleyase, a annoncé que les symboles de cette communauté vont bientôt changer à cause de l'intégration du Sud-Soudan. Ces modifications seront faites à travers une compétition des élèves qui étudient les techniques de dessin dans la région. Voilà pour le sommaire de ce journal que nous terminerons par la revue de presse. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, des manifestations ont été organisées ce samedi sur tout le territoire burundais, la capitale Bujumbura y comprise. Issa Désiré Mazimaka, administrateur de Mukaza, explique qu'il s'agissait d'une occasion pour remercier les présidents des États de l'Afrique de l'Est qui ont pris part au 18e sommet pour avoir refusé de signer des accords de coopération entre l'EAC et l'Union européenne sans que les sanctions prises contre le Burundi ne soient levées. Suivez Issa Désiré Mazimaka, c'est l'administrateur de la commune Mukaza au centre de la capitale. Cette manifestation, c'est pour montrer la joie et l'enthousiasme que le peuple burundais a, et surtout le peuple de la mairie de Bujumbura, se sentent qui ont vécu les événements de 2015. C'est pour remercier premièrement son Excellence, le président de la République ougandaise, Yoweri Kaguta Museveni, et le président de la République unie de Tanzanie, son Excellence Joseph John Pombe Magufuli de la Tanzanie, et le vice-président de la République du Kenya, qui ont bien compris la situation générale du pays, ont qui sait le pas franchi par son Excellence, le président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza. Et puis, ses confrères ont vu que c'est injuste pour signer les accords entre l'Union européenne et l'EAC sans impliquer le Burundi. Il faut d'abord enlever ces sanctions qu'on a fustigées au pays. Et puis après, on va signer ces conventions. Ces présidents, on doit les remercier beaucoup, sont des hommes de valeur. Ce qui est essentiel, c'est l'union qui fait la force, c'est l'union des chefs d'État de l'East Africa Community que nous encourageons, que nous voulons que ça dure, que nous voulons que ça persiste aux Européens pour voir que l'Afrique d'hier n'est pas d'aujourd'hui. L'administrateur de la commune Mukaza, Issa Désiré Mazimaka, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomungere. Et puisqu'on évoque l'EAC, sachez que les symboles de cette communauté vont bientôt changer à travers une compétition des élèves qui étudient les techniques de dessin, le motif étant que le Soudan du Sud vient d'intégrer l'EAC. Et c'est le secrétaire permanent ministère en charge de l'intégration du Burundi à l'EAC qui l'a dit ce vendredi à l'école technique secondaire d'art de Gitega. Tassian Sibomana, opposant politique, indique que les autorités burundaises n'ont pas d'explication à fournir sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Il y réagit ainsi après une conférence débat qui a été organisée par les communicateurs de la présidence de la République sur le rapport oral qui va être présenté les 14 et 15 juin à Genève. Dans cette conférence, le chargé de la communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe, a déclaré que ce qui sera présenté n'augure rien de bon pour le Burundi. Suivez Tassian Sibomana. Quand il y a un rapport qui sort de notoriété publique, les gens concernés par ce rapport sont invités à faire un contre-rapport, si je puis m'exprimer ainsi. Or, on sait que depuis un certain temps, il y a beaucoup de rapports qui sortent sur le Burundi, mais quels rapports font état d'une violation massive des droits de la personne humaine ? Nous savons très bien que les institutions de Bujumbura, au lieu de répondre par des faits concrets qui prouvent à suffisance que la réalité est contraire à celle qui est contenue dans ces différents rapports, les autorités se contentent de contester toute forme de rapport qui sort dans ce sens. Or, la procédure doit être celle de prouver A plus B que le contenu de ces rapports n'est pas correct. Si les autorités ne parviennent pas à le faire, eh bien, il faut qu'elles se rendent compte que ces rapports deviennent une vérité. Dire que les autorités savent bien qu'au cours de cette séance de Genève, le rapport qui sera sorti est déjà connu d'avance, à moins qu'ils prouvent qu'ils ont déjà la copie du rapport. Ça serait comme une équipe de football ou de basket, de volley, qui refuserait d'entrer sur le terrain sous prétexte que l'arbitre va avoir un côté penchant, alors que le match n'a pas encore commencé. Ils ont taxé le Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme de ne pas être neutre ni objectif. Est-ce que c'est votre point de vue? Ça ne peut pas être mon point de vue parce que ce Conseil des droits de l'homme regorge des pays, des personnalités qui n'ont rien à voir avec le Burundi, qui n'ont rien à voir avec l'opposition, qui n'ont rien à voir avec les hommes et femmes au pouvoir. Seulement, ils sont là pour faire respecter les conventions et pactes internationaux en matière des droits de la personne humaine. Que ce soit au Burundi, que ce soit sous d'autres cieux, ils ont une méthodologie, ils ont une procédure qui est consacrée par ces différents instruments internationaux pour vérifier si dans un pays ou dans un autre, le respect des droits de la personne humaine est une réalité. Tassien Sibomana, c'est un opposant politique, il répondait aux questions au téléphone de Alida Ndayikeza. Nouvelle de Provence, 6 orpailleurs ont été arrêtés ce vendredi à Kamaramagambo en commune Butihinda de la province Muyinga. L'administrateur de cette commune, Innocent Haringanji, précise que ces arrestations ont eu lieu pour empêcher les exploitations anarchiques qui font parfois des victimes. Vendredi, en effet, un écroulement de terrain a fait un mort. Les précisions de Dieudonné Nzeimana. C'est l'exploitation anarchique de l'or qui a fait un mort et un blessé sur le site d'exploitation à Kamaramagambo, commune Butihinda, vendredi. Innocent Alingangi, administrateur de cette commune, indique avoir pris des mesures pour prévenir de tels accidents. Un contrôle a été mené dans la foulée sur les sites irréguliers et 6 exploitants ont été interpellés. D'autres ont pris le cavale, y compris le chef de zone Kamaramagambo, soupçonné de complicité avec les orpailleurs illégaux. Un comportement indigne de la part d'un administratif qui avait pourtant pris part aux séances de sensibilisation sur les dangers de la fraude et la corruption, séance animée par le ministère en charge de la bonne gouvernance, mi-mai. Des enquêtes se poursuivent pour traquer tous les illégaux, ajoute-t-il, tout en invitant les exploitants à se regrouper en coopérative travaillant conformément à la loi. Six coopératives sont d'ailleurs déjà fonctionnées dans cette commune, révèle cette autorité. Pour rappel, fin mars, des orpailleurs sont morts suite à l'éboulement de terrain dans la même zone. Dieudonné Nzeimana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana. Autre arrestation, 5 personnes de la colline Nyonvi en commune Manda de la province Bubanza sont détenues au cachot de police de cette commune depuis jeudi. Ces hommes sont accusés d'avoir mal accueilli la destitution du chef de cette colline et d'avoir détruit un champ de manioc d'une femme élue sur cette colline en troisième position selon les témoins sur place à Nyonvi. Les sources administratives et policières confirment cette information et ajoutent que ces personnes seront sanctionnées conformément à la loi une fois que leur culpabilité sera prouvée. Précisons que le chef de colline Nyonvi a été destitué pour avoir entretenu 2 femmes. Reprise dès la semaine prochaine des achats de mandarines à l'usine Mandarina, Sisa, Minago en commune et province Rumonge. Cette reprise des activités est consécutive à la réparation des machines qui étaient tombées en panne. Selon le directeur général, les cultivateurs de mandarines, quant à eux, disent qu'il n'y a plus grand-chose à sauver. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Depuis le début des récoltes de mandarines fin avril de cette année, les cultivateurs des agrumes à Rumonge n'en ont pas tiré profit. L'unité de transformation de jus de mandarine, de maracuja et d'ananas, dénommée Mandarena de Minago, qui prenait à elle seule 200 tonnes des 670 tonnes produites annuellement au Burundi, n'a rien acheté, alors que les Congolais et les Rwandais, principaux acheteurs étrangers, ne le peuvent plus suite à la mesure gouvernementale interdisant l'exportation des produits agricoles burundais. Karini Nirameba, membre de la coopérative des producteurs d'agrumes de Rumonge, Koparu en sigle, dit que le manque de carburant est venu aggraver la situation et certains cultivateurs sont allés jusqu'à laisser pourrir les fruits dans les champs, devenus incapables d'acheminer les fruits jusque dans la ville de Bujumbura. Pour elle, le gouvernement burundais devrait accorder une dérogation spéciale pour que les fruits soient exportés à l'étranger. De son côté, Sigisbert Nirandekura, directeur général de l'usine Mandarena, annonce la reprise des achats de mandarines dès la semaine prochaine, mais si peu de fruits restent encore dans les champs. Il informe que les machines en panne ont été réparées et les bouteilles seront désormais fabriquées sur place, ce qui fera que 33 centilitres de jus de mandarine qui s'achetaient à 1000 francs burundais seront à 800 francs burundais. Cette unité compte également collecter toute la production en mandarine et négocier avec le gouvernement burundais l'exportation du surplus qui ne sera pas transformé en jus. Jean-Pierre Misago de Kirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit, les symboles de l'EAC vont bientôt changer à travers une compétition des élèves qui étudient les techniques de dessin. Et le motif étant que le Soudan du Sud va intégrer cette communauté. Voici les explications de Jean Rigui, c'est le secrétaire permanent au ministère en charge de l'intégration du Burundi à l'EAC. Ses propos ont été recueillis par notre correspondant à Gitega, Arthur Kavabouchi. Le sud du Soudan a joint tout récemment, mais également la Somalie a demandé à adhérer à la communauté est-africaine. Il y a déjà des programmes où la République démocratique du Congo commence déjà à toquer à la porte. Donc il y a cet esprit d'unité pour la communauté est-africaine, de synergie d'action pour les institutions, j'allais dire d'objectifs communs, common purpose, mais également pour dire nous avons besoin des emblèmes et des logos qui sont définitifs. Qu'on ne change pas le logo parce qu'un pays X est venu ou alors une institution Y est née. Il faut effectivement se mettre au travail, travailler sur la couleur, travailler sur le fond, travailler sur la forme et être dans les délais et le soumettre comme cela doit être fait. Ils devront faire un dessin qu'ils devront présenter, expliquer la philosophie, le pourquoi telle couleur, pas une autre, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire et quel est le message de communication qu'on peut donner en identifiant une communauté africaine différenciée des autres communautés. La tranche des candidats éligibles est entre 18 et 35 ans et vous remplissez cette condition. Deuxième critère d'éligibilité, c'est qu'il s'agit de la jeunesse et il s'agit des écoles ou des institutions qui font l'art, mais qui intéressent de manière particulière la jeunesse. Jean Rigui, secrétaire permanent au ministère en charge de l'intégration du Burundi à l'EAC. Les cultivateurs de la commune de Rugombo en province de Cibitoke disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer à cause du manque d'électricité. Ils trouvent qu'il sera difficile de liquider les dettes contractées pour cultiver le riz suite au manque d'électricité qui fait qu'ils ne peuvent pas décortiquer le riz de leur production afin de le mettre sur le marché. Ils demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Suivez certains d'entre eux au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Le problème de courant électrique nous cause beaucoup de difficultés car nos récoltes risquent de se détériorer dans les stocks. Nous avons contracté des crédits, mais il nous est difficile de les rembourser. On n'a même pas d'argent pour acheter à manger sans avoir pu vendre l'eau. On ne peut même pas acheter de l'eau propre à boire suite au manque d'argent. On crée la reprise de l'épidémie de choléra à cause de l'eau sale. Tout cela à cause du manque d'électricité. Nous demandons que cette question soit résolue, sinon certains risquent de prison car nous ne pouvons pas payer les dettes. Nos récoltes restent toujours stockées dans les dépôts. Nous avons le même problème car ici, dans la commune Rugombo, plus de 95% de la population dépend de la culture du riz. Et pour cultiver le riz, la grande majorité des cultivateurs contractent des crédits dans les banques ou chez les amis. Maintenant, il était temps de les rembourser, mais nous n'y pouvons rien. Or, les banques et les amis qui nous avaient prêté cet argent ne peuvent pas nous comprendre. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution à ce problème de courant électrique et de l'eau propre dans notre commune Rugombo. Les autorités ne viennent même pas nous dire où réside le problème. Il faut que ce problème de courant trouve une solution pour éviter que les gens fuient le pays suite au manque de quoi manger, alors qu'ils avaient une récolte. C'est ce courant qui nous permet de décortiquer l'or. Maintenant, on ne sait plus sur quel pied danser. Nous restons dans la région et nous appelons notre correspondante Spes Caritas Cabagnana pour nous donner des précisions sur cette ouf de soulagement qu'expriment les usagers de la route nationale numéro 5 reliant Bujumbura à la commune Rugombo. Cette route va bientôt être réhabilitée. La direction générale des routes déplore cependant le fait que les gens qui ont enterré leurs proches tout près de cette route au cimetière d'Omanda n'ont pas tous déplacé ces tombes vers d'autres endroits. Spes Caritas Cabagnana. La route nationale numéro 5, c'est la route Bujumbura-Rugombo, est en mauvais état à partir de Nyamitanga jusqu'au niveau de l'aéroport international de Bujumbura. Elle est jonchée de nids de poules qui freinent souvent la circulation puisque les véhicules y passent beaucoup de temps et les lamentations des transporteurs étaient totales. Mais ces derniers espèrent cette fois-ci que cette route va bientôt être réhabilitée puisque la société Sogea Satom a déjà commencé à prendre des mesures de traçage. À la direction générale des routes, on précise que cet axe va être réhabilité bientôt et que même le contrat est déjà signé avec la société Sogea Satom. Cependant, Vincent Nibayoubaré, directeur général de la direction générale des routes, indique que très peu de personnes qui ont enterré les leurs tout près de cette route au cimetière de Manda ont déjà déplacé ces tombes, malgré plusieurs communiqués et les appelant à faire ce travail. Il ajoute que les tombes qui restent tout près de cette route et du côté gauche vers la province de Cibitoke seront alors déplacées par des services techniques habilités vers d'autres endroits de ce même cimetière. Bubanza, Spes Caritas Cabagnana, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Cabagnana, c'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Jean Dodieu Ndaïsenga au micro Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Tout de suite, Léonce Vitaliho me rejoint pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Nul n'a le droit de faire participer des enfants à des activités politiques. L'hebdomadaire iWatch revient ici sur les propos de l'ONG locale FENADEB, œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant au Burundi. C'est à la suite d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant des jeunes filles vêtues d'habits aux couleurs du parti CNDD-FDD sous l'animation d'un adulte en train de retracer au rythme d'une danse les dates mémorables de différentes crises qui ont endeuillé le Burundi. D'après iWatchu, l'animateur demande « Avez-vous oublié le passé douloureux ?»« Pas du tout », répondent les petites filles. « Nous ne l'avons pas oublié. Il s'agit tout simplement de la courte mémoire des gens. Nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé au Burundi, aussi bien en 1965, en 1972 qu'en 1988. Même la très tristement célèbre crise de 1993, quand feu président Ndadaye a été assassiné et le sang d'innombrables Burundais versé. » L'animateur demande encore une fois « Bonerakure, est-ce que la page a été tournée ?» Et les filles en cœur de dire, notamment, « Des personnes aux intérêts insatiables sont toujours aux aguets. Ils se font passer pour des redresseurs de tort alors qu'ils ne veulent que nous exploiter à l'image d'époux dans les habits. » Que deviendront-ils ? Se demande ainsi le journal iWatchu qui renchérit qu'après, l'on s'étonne des résultats désastreux de nos enfants. Leur place est à l'école, écrit-il, et non dans des manifestations politiques. Interrogé à ce sujet par l'hebdomadaire, le vice-président du parti Frodebou dénonce une manipulation, une instrumentalisation de la jeunesse. Le niveau des élèves ne prouve pas la compétence d'un directeur d'une école. À en croire la voix de l'enseignant, ceux qui suivent de près le système scolaire burundais affirmaient que la détérioration de la qualité de l'enseignement s'explique beaucoup plus par les mauvaises conditions d'apprentissage que la défaillance au niveau de l'administration scolaire. Un conseiller à l'inspection principale de l'enseignement fondamental fait savoir que les mauvais résultats scolaires sont causés par le manque du matériel scolaire, les classes pléthoriques ainsi que le manque d'enseignants qualifiés. La voix de l'enseignant estime que la destitution des directeurs des écoles qui sont classés en dernière position au concours national ne changera rien. Pour notre confrère, les directeurs d'école n'ont pas de moyens matériels et financiers pour améliorer les apprentissages. Ils n'ont pas de budget pour acheter les supports pédagogiques pour les enseignants et les élèves. Et ils sont incapables de construire les locaux afin de désengorger les classes pléthoriques. Et de renchérir que la ministre de l'Éducation nationale est au courant du pouvoir limité d'un directeur d'école pour améliorer le niveau des élèves. La décision récemment prise est de sanctionner les directeurs dont les écoles sont classées dernières au concours national est un raccourci, écrit La Voix de l'enseignant. Et dans sa dépêche, l'agence en ligne Net et Presse rappelle que la ministre de l'Éducation nationale, Janvière Nirahisha, a récemment adressé une correspondance aux directeurs provinciaux de l'enseignement dans tout le pays, leur informant que les directeurs des écoles publiques qui n'atteindront pas 30% lors des tests de 9e année donnant accès à l'école post-fondamentale seront tout simplement limogés. Le magazine Burundi Echo écrit sur la consommation de l'alcool qui est interdite chez les mineurs. Il revient sur une campagne de la Brarudi visant à sensibiliser les parents afin qu'ils entament un dialogue sincère avec leurs enfants pour proscrire la consommation de l'alcool par les mineurs. Le message de la Brarudi est clair en cette matière. La consommation de l'alcool est interdite chez les mineurs. La position de cette société est sans équivoque selon Burundi Echo qui renchérit. La bière, oui, pour les mineurs, non. Burundi Echo revient aussi sur la pénurie de carburant. Beaucoup de secteurs sont affectés, écrit-il. Vaquer à ses activités quotidiennes devient de plus en plus difficile, voire impossible pour les habitants de la capitale et ceux de l'intérieur du pays. Bien que le pays ait connu un léger mieux pendant le week-end, une autre crise de carburant a frappé de plein fouet cette semaine les habitants de la capitale, sans oublier l'économie du pays. Des voitures attendent un hypothétique approvisionnement en carburant devant une station-service fermée. Des milliers de personnes attendent un moyen de déplacement dans une gare routière où les bus se comptent sur les doigts de la main, déplore le journal. Ces scènes sont devenues monnaie courante à Bujumbura. L'hebdomadaire mentionne que la pêche et l'approvisionnement en charbon de bois sont aussi affectés par cette situation qui a entraîné une hausse généralisée des prix du transport, provoquant aussi une augmentation vertigineuse des prix des produits alimentaires, notamment le poisson, le lait et ses dérivés. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Au micro, vous étiez avec Léon Sebitarigo. Excellent week-end chez vous. À la prochaine. Revue de la presse.